Marcel Schwab, Le Sabbat de Mauflin, à Jean Lorrain. Collard, seigneur de Beaufort et chevalier, rentrant par la ville d'Arras, un soir qu'il avait bu tard de l'hypocras au miel à l'hôtel du Cygne, passa le long du cimetière. Là, sous la lumière de la lune, qui paraissait rouge parce qu'elle était couronnée de brouillard, il vit trois filles de joie se tenant les mains. Elles marmonnaient subtilement et souriaient du bout des lèvres. Elles le prirent très doucement sous les bras et deux lui dirent qu'elles se nommaient Blanc-Minette et Belote, et la troisième, qui était flamande, secoua ses cheveux blonds et lui parla dans son jargon. Les autres l'appelaient Vergensen. Le chevalier de Beaufort, approchant, vit qu'elle tournait autour d'une dalle blanche. Et les trois filles de joie rirent de lui quand il recula, car elle versait sur la pierre l'eau royale d'un flacon vert, et la pierre se prit à bruire comme de la chaux vive. Et elles y jetèrent des lézards éventrés, des cuisses de grenouilles, des museaux poilus de rats, des pattes d'oiseaux nocturnes, de l'arsenic rocher, le sang noir d'un bassin de cuivre, des bandes de linge souillé, des racines de mandragore et les longues fleurs de la digitale qu'on nomme doigt de mort. Et cependant, elle disait sans cesse « Chevaucheur d'Escovette, chevaucheur d'Escovette, chevaucheur d'Escovette !» Aussitôt, Collard ne sut plus en quel lieu du monde il était. Mais Belote, Blanc-Minette et Vergensen le conduisirent vers un vieux four à chaux qui bâillait près du cimetière. Il se tint sous l'ombre de la porte blanche, et une femme en sortit, sans cotte, ni souliers, ni atours. Elle semblait n'être vêtue que d'une longue chemise marquée d'anneaux lunaires, et son visage était mi-couvert par un chaperon noir. Les trois filles de joie battirent des mains, criant « Demiselle, demiselle, demiselle !» Or, cette demiselle avait dans ses mains un petit pot de terre et des vergettes de bois. Elle oignit cinq vergettes avec un oignement noir qui était dans le pot, et les trois filles de joie les placèrent entre leurs jambes, les chevauchant à la manière d'un cheval. Et demiselle en fit faire autant au chevalier de Beaufort. Et elle leur oignit de son doigt les paumes de leurs mains. D'où soudain Collard se trouva volant par l'air de la nuit avec les quatre femmes. Car de la vergette ointe qui était entre ses jambes, il lui semblait que ce fût un cheval vagabond au vol silencieux, et de ses mains teintes d'onguent des membranes griffues pareilles à des ailes. Comme il volait par-delà la cité d'Arras, le chevalier Collard interrogea les trois filles. Et elles lui dirent qu'elles allaient vers leur maître au bois de Mauflin, qui est à une lieue dans la campagne. Et Vergensen, secouant la tête, rit encore dans l'air. Ils s'abattirent dans une clairière faiblement lumineuse. Les masses de feuillage tremblaient. Il y avait une table prodigieusement longue dont l'extrémité se perdait dans la forêt près des hautes fontaines. Elle était chargée de viandes rouges, brunes et blanches, de quartiers de moutons, de poitrines de bœuf, de cuisses de chevreuil et de têtes de sanglier. Les volailles s'y entassaient en pile, avec de la graisse sous leur peau fine, et de grosses oies en broche étaient fichées au haut bout. Les saucières étaient pleines jusqu'au bord de verjus et de brouées au sucre molle. Les plats scintillaient comme de l'argent et de l'or sous les flancs d'arioles et couronnes de pâtes frites. Les hanapes fumaient, car ils étaient rouges de vin tiède, et il y avait des cruches d'hydromel blond qui moussaient. Et par toute la table, aussi loin qu'on voyait, des femmes nues étaient couchées, qui plongeaient leurs talons dans des coupes ovales parmi les verreries et les pots de madre et d'émail. Mais au milieu, assis mi-parti sur les femmes et sur les viandes, se dressait un grand chien noir, les pattes écartées, la gueule sanglante, aboyant à la lune. Or le chien jeta un aboi vers demi-zèle, et Collard resta frissonnant entre Belote et Blanc-Minette, car Vergensen, se dépouillant nu, s'était élancé vers la table et avait baisé le museau sombre du grand chien. Et il parut au chevalier que le chien, en retour, mordit la flamande à la gorge, dont elle garda un triangle rouge, comme si elle eût été marquée au fer. Toutefois, Collard prit place entre Belote et Blanc-Minette, et on lui fit boire, dans un vase de forme singulière, une liqueur chaude qui avait goût d'encre. Et, sitôt après, il vit que ce qui lui avait semblé un chien noir était un singe vert accroupi, avec une queue cinglante, une mâchoire claquante et des yeux de feu. Plusieurs des convives vinrent lui baiser la patte, et il leur enfonçait sa griffe à l'entour de la bouche. Là, Collard de Beaufort reconnut une dame bien haute d'Arras, Jehanne d'Auvergne, et Huguet Cameri, barbier, que l'on nommait Patte Nôtre, et Jehan Lefèvre, sergent d'échevins, avec plusieurs autres échevins, seigneurs, clercs et notables de la cité, même un vieux peintre qui pouvait avoir 70 ans, dont la barbe était blanche, Jehan Lavitte, et qu'il connaissait bien. Ce vieux peintre paraissait là en grand honneur, et les autres l'appelaient abbé de peu de sens, et il tirait par révérence son capel à droite et à gauche. Étant rhétoricien, il récita plusieurs dictées et belles ballades de joyeuse vie, et l'une à la louange de la Vierge Marie, à la fin de laquelle il découvrit sa tête et dit « Ne déplaise à mon maître !» Ce qui fit rire Vergensen, et le singe vert lui tira les cheveux sous son chaperon. L'abbé de peu de sens vint vers le chevalier et le salua bien dévotement du nom de Beau-Sire et lui dit qu'il voulait l'amener à son maître pour lui rendre hommage. Cependant, lui commanda de cracher pendant le chemin. Et Collard, lieu suivant, fut étonné de peur, car il y avait à terre un long crucifix où les convives mettaient leurs pieds et qu'on lui ordonnait de souiller. Puis il vint devant le singe vert et là connut qu'il s'était trompé, voyant que le singe vert était proprement un bouc avec des pieds fourchus, ayant à la vérité une longue queue à la ressemblance d'un singe. L'abbé de peu de sens lui mit en main 2 chandelles ardentes et lui dit qu'il allât ainsi à genoux baiser le derrière du bouc, ce qui est la façon de lui rendre hommage. Et Collard portant les 2 chandelles allumées, tous les chevaucheurs à gauche crièrent « Ô mage ! Ô mage !» et les chevaucheuses à droite « Notre maître ! Notre maître !» Le bouc se tourna et Colard obéit, pensant que sa bouche fut devenue ardente et poussa de la fumée. Et, ceci fait, le bouc appela les chevaucheuses à gauche et les chevaucheurs à droite et loua Colard pour sa foi. Et l'abbé amena d'autres nouveaux avec deux chandelles au poing, et ils baisèrent le bouc en la manière qu'avait fait le chevalier. Puis, parmi les femmes nues et l'abbé qui récitait des laits, tous se mirent à manger et à boire. Et soudain, il y eut un souffle de vent froid, et le ciel devint gris parmi les feuilles. Les chevaucheuses et les chevaucheurs mirent leurs escovettes entre leurs jambes, et Colard se trouva de nouveau volant à travers l'air du matin. Et Demi-Zèle disparut d'abord, ensuite Belote et Blanc-Minette, mais Vergensen était resté avec le bouc dans le bois de Mauflaine. Toutes choses qui furent confessées par Colard, chevalier, seigneur de Beaufort, après que l'évêque d'Arras l'eût mis en géhenne dans ses prisons. Car avant lui, on avait livré à la justice laïque Demi-Zèle, Belote et Blanc-Minette, filles de Joie, avec l'abbé de Peu de Sens. Ils furent mitrés d'une mitre, où était peinte la figure du diable dans les flammes et brûlés sur des échafauds. Quoique l'abbé se fût coupé la langue d'un petit couteau pour ne point répondre par sa bouche à la torture. Pour la flamande aux cheveux blonds, qui riait en chevauchant au sabbat, on ne put la trouver et Colard ne la revit jamais, car le chevalier ne fut pas brûlé. Le duc de Bourgogne envoya de Bruxelles son héros favori, Toison d'Or, pour entendre sa confession. Toison d'Or implora la grâce de la justice ecclésiastique. Colard de Beaufort fut mitré de la mitre où était peinte la figure du diable et enfermé pendant 7 ans, au pain et à l'eau, dans une des chartres de l'évêque d'Arras qu'on appelait le Bonnel.